À propos des rouges et des blancs dont vous avez parlé. Oui. Donc, il y a le même phénomène, quoi, donc, dans des villes, d'autres villes bigoudaines portuaires, quoi, Gulvinec et Lesconil. Et donc, en général, les rouges, c'était donc les pauvres, les marins, qui étaient plus pauvres en général, et les ouvriers agricoles. Et alors, dans ces deux communes, on remarque aussi donc, qu'il y avait des sectes protestantes qui se sont implantées pour la lutte anti-alcoolique, surtout en milieu maritime, quoi. Mm-hmm. Et les abris du marin, quoi, de Jacques de Tézac. Mm-hmm. Et alors, est-ce qu'il y avait l'équivalent à Plozivette? Et puis aussi, à Plozivette, pour expliquer les rouges, il y avait sûrement la famille Le Bail, quoi. Ah ben, oui, ça, c'est le phénomène des Le Bail en jouant un grand rôle. C'est-à-dire, Le Bail, et qui était un républicain, qui était un bourgeois, on peut dire, c'était un notaire, il est venu, il n'est pas venu à Plozivette simplement pour faire une carrière politique, mais en partie. Et il a vu qu'il y avait un terrain tout à fait favorable, et lui-même, parce que c'est un homme de talent, ça a été une grande figure politique, il a donc amplifié, consolidé et amplifié le phénomène rouge. Mais je vais vous dire, ce phénomène rouge-blanc, c'est un problème passionnant pour les... C'est pas uniquement plezévétien, c'est pas uniquement breton, hein, on le retrouve dans beaucoup de régions en France, dans l'Ouest, mais pas uniquement. Je sais que à l'école des hautes études où j'enseignais, deux collègues, Jacques Ouzouf et François Furet, avaient fait pendant plusieurs années un séminaire sur les rouges et les blancs pour essayer d'expliquer le phénomène. Donc, j'ai été aidé. Il se trouve qu'au moment où je commençais, j'allais rédiger mon livre, il y a deux sont parus Les paysans de l'Ouest de Paul Bois. Un très beau livre, enfin une grande thèse, qui part de cette hypothèse. Or, lui, c'est le Maine, hein, c'est la région la Sarthe. Hein. Il étudie le département de la Sarthe depuis la Révolution. Et puis, le livre de Charles Tilly, un historien américain, sur les guerres de Vendée. Et tous les deux utilisent la même explication, c'est-à-dire l'héritage d'une cassure au moment de la Révolution. Et Tilly avoue que son livre était presque terminé, il a assisté à la soutenance de Paul Bois, et il a été tellement impressionné par l'hypothèse qu'il l'a, il l'a utilisé pour essayer de comprendre le phénomène. Or, ce que dit Bois, c'est que c'est la cassure politico-religieuse de la Révolution. C'est au moment de la constitution civile du clergé. Vous savez qu'avant, les petits curés souvent étaient pro-révolutionnaires, une grande partie des curés étaient non seulement pour la Révolution, mais ont été même des propagandistes des idées révolutionnaires, parce qu'ils étaient hostiles au grand clergé, ils étaient souvent très proches de leurs paysans, etc. Et là, brusquement, pour une raison peut-être un peu abstraite, les révolutionnaires, enfin, l'Assemblée avait décidé qu'on réformait l'Église comme on réformait les autres corps de la société et que les prêtres devaient prêter serment à la Constitution. Bon. Et là, il y avait quelque chose. D'abord, un prêtre ne doit pas prêter serment à autre chose qu'à Dieu, disons. Et puis le pape, qui était hostile à la Révolution, a sans doute utilisé ça, et il a condamné, il a interdit aux prêtres. Donc, ça créait brusquement, le prêtre qui suivait ça devenait schismatique. Donc, du jour au lendemain, les prêtres ont eu à décider s'ils suivaient la République, s'ils voulaient continuer à rester plutôt français ou catholique. Et du coup, leurs paroissiens faisaient la même chose. Est-ce que je dois suivre mon curé s'il est assermenté, comme on dit, c'est-à-dire s'il accepte la République, mais c'est condamné, donc je suis indirectement schismatique, c'est condamné par l'Église, l'autre... Bon. Et curieusement, cette cassure qui n'était pas du tout nécessaire a traversé la France et elle a été durable. Or, à Plozivette, curieusement, Plozivette est la seule paroisse du coin qui a choisi d'accepter la sermentée. Les autres ont protégé leurs prêtres réfractaires. Alors pourquoi ? C'est ce que dit Paul Bois. Il y avait peut-être des antécédents. Souvent, il montre pour la Sarthe, qu'il y avait une partie de la Sarthe qui, déjà au XVIIIe siècle, était plus proche des villes, et une autre, au contraire, qui vivait de façon très isolée et qui détestait les gens des villes. Et c'est les gens des villes qui ont détesté la Révolution, parce que pour eux, la Révolution, c'était les bourgeois qui étaient déjà un peu leurs maîtres et qui devenaient plus que jamais leurs maîtres, si vous voulez. Donc, peut-être que ça... ça a renforcé déjà des divisions, des oppositions qui existaient avant. On sait qu'il y a un type brusquement à la messe, à Plozévette, dans les années 1780, qui a voulu tirer un coup de feu sur le curé. Donc il y avait un anticléricalisme déjà présent, il y avait des choses qui existaient. Bon. Mais c'est vraiment le phénomène, je crois, l'explication, et ça vaut pour beaucoup de régions en France, d'une sorte d'héritage idéologique. À un moment, un choix qui a été fait, ensuite, les gens ont voulu rester fidèles à ce choix. Pour Plozévette, c'est le cas, parce qu'on a voulu lui faire payer ça, et comme ils n'avaient pas gardé leur prêtre réfractaire, quand il y a eu la restauration, on les a privés de prêtres pendant pas mal de temps, plusieurs années. Bon, puisque vous ne nous en vouliez pas, ben, on ne va pas se dépêcher d'en mettre un nouveau. Et ça n'a fait sans doute que renforcer ce pôle anticlérical qui était plutôt pour la République et du coup contre l'Église. Et ça, mais ce type de cassure a existé dans beaucoup d'endroits et elle a été, et en plus elle est commode parce qu'elle organise la vie locale. En fait, partout en France, dans les campagnes, il y avait deux partis. Le bipartisme, ce n'est pas un phénomène qui, maintenant, c'est en train de s'installer au niveau de l'ensemble de la France, mais localement, ça existe depuis longtemps. Et c'est comme ça, au fond, que les gens canalisent un peu les tensions, parce que comme il y a cette opposition, il n'y en a pas d'autre. Et cette opposition, elle était devenue effectivement un peu folklorique. Je sais que quand je suis venu à Plozévette, il y avait deux boulangers, enfin il n'y en avait plus que deux, mais enfin on savait qu'il y en avait un, le boulanger des Blancs. Il y avait deux médecins, l'un qui était considéré comme le médecin des Rouges, l'autre le médecin des Blancs, sauf qu'eux-mêmes n'en étaient pas tout à fait conscients. Si vous voulez. Donc il se trouve que le médecin des Blancs était officiellement un catholique qui ne pratiquait pas, et curieusement le médecin des Rouges était celui qui avait des inquiétudes religieuses, qui était très intéressé par les problèmes religieux, mais ça n'avait rien à voir. Pour eux, ce qui comptait, c'est que l'un était le médecin des Rouges et l'autre le médecin des Blancs pour la population. Donc, voilà, il y a ce phénomène s'est sans doute énormément atténué avec l'ouverture de la Bretagne, mais je pense que ce genre de choses qui reste comme une sorte de tradition, comme une forme de l'appartenance, et qui, curieusement, divise moins la commune qu'on le croit. Moi, je crois que ça a été, au contraire, un des éléments, cette sorte de front d'antagonisme qui a entretenu une certaine identité de Plozévette. Et Georges Le Bail, quand il venait au Pays Bigoudin Sud faire sa campagne électorale, il portait le chapelet. Ah oui. C'est qu'il était assez finaud, c'est malin. Quoi. Oui, parce que là, c'est la limite où il y avait justement, il y a une zone frontière avec effectivement Pouldrosy qui était, c'était un peu plus blanc. Ouais. Pour en venir sur les protestants, deux secondes. Pour en venir sur les protestants, il n'y a pas eu d'enquête historique réellement sérieuse faite dessus. Par contre, moi je sais très bien qu'on avait repéré deux passages de protestants, de pasteurs protestants. Oui, qui venaient faire de la. Qui venaient prêcher à Porspolen et à Kermagui. Au 19e. Oui, au 19e, qui étaient effectivement deux pôles de rouges, quoi. Mais ça aurait été intéressant, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de sensibilité à la question protestante en Bretagne. C'est venu après qu'on s'est aperçu effectivement que ça avait eu une importance énorme dans le pays Bigoudin Sud. Oui, juste une référence littéraire sur les rouges et les blancs. Un bouquin écrit par un curé de Guingamp qui s'appelait Lanninizan. Et le titre, ça s'appelle La bataille de Kerguidu. Uh-huh. Et c'est écrit dans la deuxième partie du 19e siècle. C'est très intéressant. Ah oui. Ça se passe, je crois, dans le Léon. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais c'est très, très intéressant. Avec les problèmes de prêtres réfractaires assermentés. Uh-huh. Enfin, très, très passionnant. C'est une sorte de Don Camillo local, je suppose. Le curé, là, lui-même, était professeur de lettres classiques, je crois, dans un établissement religieux à Guingamp. Oui. Il était plus de vélo au Christ. Ah oui, peut-être. Alors, ouais. Bon, hein. Il a été traduit en français il y a une trentaine d'années. trentaine d'années. Oui, c'est ça. Parce qu'il l'avait écrit en breton. Ah oui. Ah oui. C'est un roman en breton. D'accord. La traduction, c'est la bataille de Kerguidu. J'ai trouvé ça. J'aimerais apporter quand même un petit bémol sur le rôle fondateur de la Révolution à Clausewitz sur la séparation rouge et blanc. Simplement sur deux remarques. L'une que vous faites dans votre livre d'ailleurs, ce sont les résultats de l'adoption de la Constitution de 1793. Or, vous n'avez pas fait un rapport. Vous dites que cette Constitution a été repoussée à Clausewitz. En fait, elle a été repoussée dans le canton de Clausewitz. Mais si on le met dans le contexte, il y avait 80 cantons dont le Finistère à l'époque. Sur les 80, 70 ont adopté la Constitution qui était la Constitution de Robespierre, très jacobine, etc. Et il y en a 10 qui ont repoussé la Constitution. Parmi ces 10, il y avait 9 du Saint-Léon, ceux qui ont fait la bataille de Kerguidu. Et il y avait le canton de Clausewitz. Comment se fait-il que Clausewitz ait voté rouge et refusé une constitution rouge ? Ben justement, rien ne prouve que Clausewitz était rouge à l'époque. Voilà. Elle l'est devenue parce qu'on lui a imposé ce destin. Voilà. Moi, je parlais, mais je ne parlais pas de la Constitution de 93, je parlais de la Constitution civile du clergé. Ah oui, mais dans votre livre, non, vous avez... Je parle de ça également. Oui. Pour montrer justement que c'était le problème, il y a eu une fracture religieuse qui s'est passée là, mais qui n'avait pas de signification politique véritablement, parce que les Clausewitziens n'étaient pas plus révolutionnaires que les autres. Non, parce que j'apporte un deuxième exemple, qui est le destin des chapelles, qui ont été donc nationalisées comme bien national sous la Révolution, et mises en vente. Sur les 3 chapelles de Clausewitz, il y en a une qui a été achetée par un particulier de la côte, et qui a été revendue après la Révolution, à un personnage que vous connaissez, qui est Charles Guélec. Les 2 autres chapelles ont été achetées par 2 paysans voisins. Et la Révolution terminée, ces agriculteurs ou leurs successeurs, parce que l'un était décédé, ont rétrocédé les chapelles à la paroisse. Donc on a eu l'impression d'un tour de passe-passe. Or on voit mal comment on aurait opéré ce tour de passe-passe sans que la population avoisinante ne soit au courant. Oui. Donc, c'est pas possible. Oui. Mais en revanche, ils n'ont pas... Ils ont laissé partir leur prêtre réfractaire. Oui, et puis ils ont accueilli les deux prêtres assermentés. Ça, le diocèse n'aura pas abandonné. Oui, mais enfin, c'est-à-dire, c'est assez ambivalent quand même, ce comportement. Ce n'est pas aussi tranché que ça le deviendra peut-être par la suite. Oui. C'était des simples observations ponctuelles. C'est la mémoire, souvent, qui renforce les oppositions. Souvent.